Découvrez l'impro BD lors de notre prochain match, le dimanche 13 septembre, 20h, au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est, entrée 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Information liquibd.com. La fin est proche. Sillon le disquaire fermera ses portes d'ici la fin septembre. Sillon liquide son inventaire et, en guise d'adieu, offre dès maintenant un rabais général de 50% sur toute la marchandise à prix régulier et de 20% sur tous les articles à prix déjà réduit. Ne tardez pas, les stocks baissent à vue d'œil. Sillon vous dit merci pour ces 31 belles années. Je n'attends plus personne. Non, je n'attends plus rien. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine en art actuel de Québec. À vrai dire, une nouvelle voix que vous entendez ici. Je me présente, Audrey Caro. C'est avec bonheur et grand plaisir que je prends la relève de Julie Gagné qui nous a donné 5 belles années à la barre de cette émission. Et puis, c'est avec grand plaisir que j'anime et une certaine fébrilité aussi. Cette émission qui me passionne, hein, qu'on parle d'un sujet qui me passionne, les arts visuels. On mentionne, bien sûr, ma comparse qui n'est pas ici. À vrai dire, cet automne, c'est ma voix que vous entendrez, mais ma comparse Jean-Tienne Lafrance va m'accompagner tout au long de cette belle aventure de la saison 2015-2016 et peut-être même aurez-vous l'occasion de l'entendre cet hiver. Mais qu'est-ce qu'on vous réserve pour cette nouvelle saison? Eh bien, on garde bien sûr des classiques. Bien sûr, toujours nos entrevues pertinentes avec artistes, gens du milieu, nos chroniques avec nos collaborateurs, donc à la fois sur exposition, aussi on a revue de presse également qui est toujours là, et on a aussi Simon Roy toujours avec nous qui nous propose une sélection musicale à chaque semaine, mais nouveauté, on l'aura une fois par mois en studio, donc pour qu'il puisse venir nous parler directement d'art audio, d'art sonore et autres. Bien sûr, on vous propose quelques nouveautés, chroniques de groupe également, donc une sorte de club des expos où on va parler en groupe d'expositions qui sont en cours à Québec. Possibilité aussi de capsules, à la fois historiques ou autres, selon l'humeur de nos collaborateurs. Et également aussi, on aimerait vous parler, vous présenter à chaque saison un dossier également là bien spécifique au monde des arts visuels. Six nouveaux collaborateurs et 3 anciens que vous avez pu entendre la saison dernière. Une nouvelle page web et toujours la même page Facebook, donc page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Vous y trouverez bien sûr balado-diffusion, également aussi les actualités en art visuel, calendrier, des billets aussi publiés par nos collaborateurs et bien sûr la sélection audio de Simon Roy. Alors, on va y aller rapidement avec nos sujets du jour parce qu'on a une émission bien remplie pour cette première. On vous propose au retour de la pause audio, bien sûr, la classique revue de presse. Également, on vous réserve un spécial Méduse pour souligner le 20e anniversaire de la coopérative. Donc, 3 entrevues tout au long de l'émission pour nous présenter un peu cette coopérative, mais aussi les fondements même de la coopérative et l'impact qu'elle peut avoir chez les artistes. Donc, on va recevoir Caroline Salin, la directrice générale de Méduse. Et en deuxième demi-heure, on va recevoir Gilles Artaud, ainsi que Renaud Salvaille et Alexandre Berthier. Alors, on s'en va maintenant en pause. Donc, une sélection faite par Simon Roy, bien sûr, de Fucked Up Beats, Deceptive, Detournements, Auditory Sleep Starts and the Contours of the City Ruin, the Infrastructure of Emotional Paralysis, sur l'album The Situationist. Thank you. Nous sommes de retour à l'aérospatial. Donc, une petite revue de presse pour commencer l'émission. On apprenait, il y a de cela à peine une semaine et demie, le retour de la troisième édition de la Foire en art actuel de Québec qui va se dérouler du 22 au 25 octobre prochain. Donc, bien sûr, toujours en partenariat avec l'Œil de Poisson. Donc, ça va être présenté dans les locaux de l'Œil. Et cette année, changement, on aura une commissaire invitée, Anne-Sophie Blanchet, qui va présenter une sélection d'œuvres de 15 artistes de Québec et de la grande région de Québec, mais aussi du Québec. Et c'est avec grand plaisir, donc, que le conseil d'administration annonçait le retour de cet événement. On va pouvoir, bien sûr, comme toujours, y trouver une grande variété d'œuvres dans des formats et des médiums différents, peinture, sculpture, photo, dessin, à des prix très abordables, nous dit-on. Et la programmation sera annoncée sous peu, au mois de septembre, au cours du mois de septembre prochain. Également, on apprenait aussi la semaine dernière la nouvelle œuvre d'art publique de l'amphithéâtre sera monumentale, audacieuse et emblématique, selon les dires du maire de Québec, bien sûr, Régis Labeaume, et de la conseillère Julie Lemieux. Donc, c'est sur la place Jean Béliveau que sera installée cette nouvelle œuvre-là, et on a lancé donc le concours mardi dernier. On invite les artistes à proposer leur idée d'œuvre qu'ils aimeraient présenter donc pour cette place. Et ils ont jusqu'au 1er octobre pour soumettre leur idée. Bien sûr, on aura également toujours l'idée de présenter ces maquettes-là. 5 finalistes au bout du compte seront retenus pour évaluer leur proposition. Et comme on le disait, on veut que ce soit une œuvre qui soit imposante, marquante et rassembleuse. Il faut toutefois mentionner qu'il y a déjà une œuvre d'art qui est réalisée depuis peu, à vrai dire. L'inauguration va se faire prochainement. C'est en fait une très grande œuvre de Jonathan Villeneuve, Le Grand Bleu du Nord, une œuvre d'art qu'on va retrouver à l'intérieur de l'amphithéâtre. Donc, tout prochainement, peut-être même ceux qui sont allés visiter le Centre Vidéotron dernièrement ont eu l'occasion de la voir. Bien sûr, ces œuvres-là sont installées selon la politique d'intégration des arts à l'architecture. Et c'est quand même particulier parce qu'on parle du plus gros budget là, pour l'œuvre qui sera installée à la place Jean Béliveau, donc à l'extérieur de l'amphithéâtre. Donc, du plus gros budget de l'histoire, 1 125 000 $, donc quand même un projet, comme on le dit, ambitieux et audacieux. Alors, l'œuvre devrait être installée à l'été de 2017. Sinon, on apprenait également que les musées de la civilisation vont avoir un nouveau directeur, Stéphane Laroche, qui était en fait le directeur le président de du Conseil des arts et des lettres du Québec, donc migre vers les musées de la civilisation. Donc, il est en remplacement de Michel Côté, qui quittera ses fonctions à partir donc du 13 octobre prochain. Monsieur Laroche souhaite faire plus de place au numérique, surtout sortir également de Québec, parce que, comme il le soulignait, ici, on est une institution nationale, alors il faut être présent à Montréal, à Rouyn, à Rivière-du-Loup et créer des partenariats avec ces communautés. Il y a également aussi une volonté de déplacer les expositions à Toronto, Calgary et même voir ailleurs au monde. Donc, un directeur, somme toute, assez ambitieux, que de grandes visées pour ce musée. Et selon lui, ça va permettre tout ça d'aider à rayonner, mais aussi à devenir plus attractif chez nous. Et pour également terminer, ici, on a annoncé, la Biennale de Montréal a annoncé la semaine dernière, donc, le commissaire de sa prochaine édition, donc 2016, de la Biennale de Montréal, toujours en coproduction avec le Musée d'art contemporain de Montréal. C'est le Belge Philippe Pirotte qui sera le commissaire de cette édition, dont le thème reste toujours à définir. Celle-ci va avoir lieu du 19 octobre 2016 au 15 janvier 2017 prochain. Et on dit de M. Pirotte qu'il est un méticuleux chercheur, qu'il a une influence internationale et c'est pourquoi on lui fait confiance pour cette prochaine édition. Alors voilà, on va maintenant passer en pause audio avant de recevoir notre première invitée pour ce spécial Méduse, donc qui fête son 20e anniversaire. On est toujours avec The Fucked Up Beats et ses dérives cette fois-ci. We'll walk up the cloudy streets with anxiety towards the snowy horizon and scream out of the engine. De retour après la pause. Nous sommes de retour et j'ai devant moi Caroline Salin, la directrice générale de Méduse. Bonjour Caroline. Bonsoir. Alors, tu es ici pour nous parler, bien sûr, de la Méduse, mais également de ce 20e anniversaire qui va se fêter en fin de semaine, donc le 11, 12 et 13. Mais peut-être avant de commencer, pour nos auditeurs, certains connaissent Méduse, d'autres pas, mais je sais que ça fait quelques temps à peine, quelques mois même pas, que tu es en poste à la direction et tu étais une habituée de la Méduse avant, bien sûr. Oui. Alors, moi, je fréquente Méduse depuis janvier 2011, en fait. J'ai travaillé pour Avatar, qui est l'un des 10 organismes membres de Méduse. Pendant plusieurs années, j'ai pris la direction générale de Méduse au mois de juin. Donc, c'est très récent. Mais j'ai quand même une bonne connaissance du labyrinthe qu'est Méduse. Oui, labyrinthe. oui, vraiment. Mais on s'y repère. Après quelques... Ah, on se perd et après ça, on se repère. C'est pas mal ça. super. Et puis, un mandat rempli de défis, bien sûr, hein, parce que la Méduse, c'est quand même, comme tu l'as souligné, 10 organismes, c'est beaucoup de monde dans le même bâtiment ici, mais peut-être nous faire, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la coopérative, peut-être nous faire une brève présentation un peu de ce qu'on peut retrouver dans la coopérative. Oui, en fait, la coopérative Méduse, c'est une coopérative de producteurs et de diffuseurs artistiques et communautaires. Méduse a été inaugurée à l'automne, en fait, 1995, et en fait est née de la volonté de plusieurs acteurs du milieu culturel de se regrouper. Alors, je n'irai pas dans les détails, je pense qu'il y a des invités qui seront bien plus à même d'en parler que moi ultérieurement. Mais pour faire une petite histoire courte, en 1989, il y a eu les premières discussions ont eu lieu et les premiers échanges donc concernant le regroupement qui est devenu Méduse. Mm-hmm. Ça aura pris quand même quelques années avant que tout le projet finalement puisse naître. Plusieurs années, on parle même de quasiment 5 ans en fait pour que tout ça se passe. Méduse, donc c'est une coopérative qui regroupe 10 organismes qui évoluent de façon complémentaire finalement dans des pratiques dites de l'art contemporain. On parle par exemple d'art visuel, on parle d'art médiatique, on parle de vidéo, de photos, donc sont différentes pratiques, la sérigraphie, la lithographie, etc. Donc l'ensemble des 10 organismes offre cette complémentarité finalement des disciplines à un bassin d'artistes professionnels. De différentes manières, les mandats sont différents, les structures sont autonomes dans leur gestion humaine, financière. Toutefois, parfois, comme cette fin de semaine, il va y avoir des événements comme ça que nous allons présenter conjointement. Oui, et puis je pense qu'il y a également des résidences également à la Méduse qui se passent là-bas. Oui, en fait, donc chaque organisme a ses propres programmes de résidence, mais effectivement, la coopérative Méduse en soi a aussi des programmes d'accueil en résidence. Je pense par exemple à un programme d'échange avec les pépinières européennes, qui permettent d'accueillir chaque année 2 artistes européens. Ils vont passer entre 3 mois et demi et 4 mois à Méduse. Et on a aussi un échange particulier avec la Finlande. Donc on vient d'accueillir la semaine passée finalement une artiste finlandaise qui va rester avec nous jusqu'au mois de décembre. Alors ces résidences-là sont vraiment des résidences de long terme, si je puis dire, en tout cas moyen terme, et vont permettre aux artistes accueillis de circuler un peu dans Méduse, de connaître vraiment les différentes pratiques qui sont exploitées à Méduse et ainsi finalement travailler sur un projet en particulier. Oui, et puis utiliser bien sûr tous les outils, hein, en quelque sorte, que la Méduse recèle également, à la fois humains et techniques aussi. Oui, on parle d'à peu près 80 personnes qui travaillent quand même chaque semaine à Méduse, donc c'est quand même un bassin important de personnes. Et puis il y a des espaces effectivement de création, de production, et pour certains espaces, des espaces aussi de diffusion. Super. Et puis, je pense également que récemment, dans la foulée du 20e anniversaire, il y a des capsules vidéo qui présentent, ma foi, très bien ce qu'est la coopérative aussi. Oui, c'est une magnifique banque d'images et de vidéos qui a été réalisée cette année. En fait, le mandat a été donné à Spira, qui est l'un des organismes de Méduse, de collaborer avec un réalisateur qui, dans ce cas-là, est François Dubé, en fait, et qui a réalisé donc 3 capsules. Une première capsule, je dirais, plus généraliste sur ce qu'est Méduse dans sa globalité. On a une autre capsule qui apporte le point de vue des artistes qui fréquentent Méduse ou qui ont fréquenté dans leur carrière Méduse. Et une autre capsule qui va plus apporter le point de vue des artistes internationaux qui viennent à Méduse et qui ont cette possibilité de prendre part à une résidence qu'on appelle internationale dans le studio d'artistes de Méduse. Donc 3 capsules vidéo qui sont actuellement disponibles via notre Facebook, notre page Facebook, mais sur Vimeo en fait. Donc Je vous invite à aller les voir, vraiment. Oui. Ce sont de vraiment très belles capsules vidéo qui résument quand même assez fidèlement là tout ce qui peut se passer à Méduse. Eh bien, peut-être juste petite question qui m'intrigue à savoir pour la directrice ici, à savoir qu'est-ce qui fait la singularité de Méduse? Eh, bonne question. je pense que ce qui démarque Méduse de l'ensemble des regroupements qui pourraient être un peu similaires, même je dirais même à travers le monde, mm-hmm. c'est vraiment le fait que chaque organisation est vraiment autonome et que chaque organisation se complémente en fait dans ses mandats, dans ses services. Et je pense que c'est ça qui nous démarque beaucoup sur la scène nord-américaine en particulier. Méduse reste en fait un des modèles principaux oui. de regroupement dans ce genre-là. Donc on est en fait de toute façon sollicité relativement régulièrement par des organismes ou des personnes qui cherchent à connaître les détails un peu de notre fonctionnement, notre façon de d'agir et de gérer cette coopérative. Donc ça intrigue beaucoup de gens et je pense que si ça intrigue, c'est que c'est positif, c'est que ce qu'on a fait jusqu'à présent est reconnu et ce qu'on fera, parce que je pense qu'on va encore en faire beaucoup des choses, donc ce qu'on fera sera aussi reconnu. Voilà, je pense que c'est ça un peu l'idée. Oui, effectivement. Et puis, ben allons-y. On va aller dans le vif du sujet, à savoir les célébrations donc du 20e anniversaire qui ont lieu justement cette fin de semaine, donc le 11 septembre, le 12 et le 13. Il y a des activités. Est-ce que tu peux nous en glisser un mot? Oui. Alors, ça commence vendredi soir. En fait, on vernit 8 expositions en simultané à partir de 18h30. Donc, l'ensemble de la population est bien entendu conviée à venir pousser les portes de Méduse et venir échanger avec autant les artistes présents que les personnes qui travaillent à Méduse et qui seront toutes réunies cette soirée-là. Exact. Puis c'est toujours aussi des événements assez festifs également oui. et très joyeux. Même peut-être des fois des surprises. Qui sait, les 30 ans de l'œil de poisson seront célébrés en grand. Ah, qui sait. il y a plusieurs anniversaires qui seront célébrés. Et puis dans la même idée d'ouverture, samedi après-midi et dimanche après-midi, plus précisément de midi à 5h, il y a une multitude d'activités qui vont être proposées. Alors autant au jeune public, on parle d'ateliers d'initiation pour les 6 à 12 ans, on parle d'une chasse au trésor dans Méduse aussi. Donc vraiment inciter aussi le jeune public à venir nous rencontrer, à se confronter à oui, l'art actuel. Bien sûr, c'est important. Déjà, jamais trop tôt pour le faire. et puis pour les plus grands, effectivement aussi un atelier d'initiation à la sérigraphie. Je pense par exemple à cet atelier qui sera présenté par Engram le dimanche après-midi. Un pique-nique sur la rue Saint-Vallier qui sera totalement piétonne dimanche après-midi. Donc ça permettra aussi aux personnes de venir simplement échanger avec nous, s'attabler, bien sûr aller à l'intérieur, voir les expositions, échanger, visiter les centres, parce que ce n'est pas tout le monde non plus qui a accès de façon spontanée aux organismes et aux espaces de production. Les espaces de diffusion sont beaucoup plus, bien sûr, propices à ce que le public soit accueilli, mais on va dire un petit inédit de cette fin de semaine, c'est que les coulisses des salles de recto verso seront en fait ouvertes au public, donc en marge des présentations des spectacles dans Valley Macadam le soir, les personnes seront amenées à aller voir backstage ce qui se passe. Donc je pense que ça c'est des petits coups de cœur aussi, puis des petites visites inédites qui sont à pas manquer absolument. Bien sûr, de voir un peu là comment ça tout ouais. ça se prend forme et se fonctionne. Mais peut-être mentionner le pique-nique, dans le fond les gens peuvent apporter leur lunch, est-ce qu'il oui. va avoir de la nourriture sur place? En fait les deux options sont disponibles, c'est-à-dire qu'il est vraiment libre à chacun soit d'amener sa petite boîte ou alors effectivement de décider de manger sur place. On a maintenant Fastoche qui s'occupe de l'espace resto de Méduse qui sera fin prêt à nous accueillir et nos demandes culinaires. Puis, Québec Crêpe nous permettra de manger une petite crêpe aussi. Oui, effectivement, c'est une grande installation de Mathieu Fecteau, ça, ici. Oui. Quelque chose à voir, ça vaut quand même le détour là, de se déplacer. Puis en plus, vous avez une crêpe gratis. Là, c'est ça. Pour les becs sucrés, c'est quand même un bon coup. Il y aura aussi une animation musicale. Il va avoir, des œuvres qui seront finalement mises en vente aussi. Donc, tout ça va se passer à l'extérieur finalement de Méduse. Il va avoir aussi, je voulais le mentionner quand même parce que c'est pas forcément au pas de la porte de Méduse, mais plutôt sur le parvis de l'église Saint-Roch, mais il va avoir une projection de 8 courts-métrages le samedi 12 au soir. Oui. Présentation en titube Espira, donc aussi un beau moment à passer samedi soir. Donc on vous occupe toute la fin de semaine. C'est vraiment ça l'objectif. Et je pense aussi qu'il y a des visites guidées de Méduse aussi, si les gens veulent en apprendre davantage. Là, oui, tout à fait. En fait, il va y avoir 3 départs, donc samedi, 3 départs dimanche. Et ce qui, je pense, est vraiment un plus, c'est que les personnes qui vont guider les visiteurs sont des personnes travaillant à Méduse. Donc c'est vraiment, je pense, ces personnes qui vont être vraiment capables de transmettre aussi l'essence même de Méduse, puis ce qu'on y fait quotidiennement. Donc, je crois que c'est vraiment à ne pas manquer. Oui. Et est-ce que ces activités-là sont gratuites? Oui, l'intégralité des activités, vraiment, c'est ouvert à tous. C'est totalement gratuit. Et n'hésitez vraiment pas. Toute la programmation est disponible sur la page Facebook et sur le site Internet de Méduse. Parfait. Donc, on le rappelle à nos auditeurs. Donc, le 11, 12 et 13 septembre, cette fin de semaine, les festivités du 20e de Méduse sous le thème de l'effet papillon aussi. Hein, cette idée-là de l'effet papillon. Donc, comme pourquoi ce thème? Hein, alors, je vais faire ça court et je ne suis pas mathématicienne. Mais en gros, on parle d'un... Alors, peut-être pas un petit événement, mais en tout cas d'un événement qui va générer d'énormes retombées. C'est vraiment dans cette idée-là, l'effet papillon. D'accord. Et pour suivre toutes les activités, si on veut plus d'informations, on peut aller consulter le site web? Oui, www.meduse.org. Ou la page Facebook, sûrement. Et la page Facebook aussi. Super. Eh bien, merci beaucoup, Caroline, d'avoir été avec nous et de belles festivités en fin de semaine. Merci. Pour nous, on s'en va en pause publicitaire et on vous revient pour la deuxième demi-heure de l'aérospatiale. Millennium pour millénaire et non pour Lisbeth Salander. Millennium pour 1000 ans de musique qui vous sont proposés tous les mardis soirs dès 19h30. Il y a deux sortes de musique, disait Duke Ellington. La bonne et la mauvaise. Millennium vous propose la première dans tous les genres et de toutes les époques. Ainsi, le troubadour Muddy Waters côtoiera son ancêtre Bernard de Ventadorn, Chopin et Catherine Major partageront leur clavier et Frank Zappa se disputera avec Miles Davis. À ne pas rater, c'est Gilles Chomel qui régale. CKRL 89.1. Nous sommes de retour à l'aérospatiale et nous poursuivons notre spéciale Méduse qui fête son 20e anniversaire. Et nous avons maintenant en entrevue téléphonique Gilles Artaud, qui est en fait un des fondateurs, là, qui a fait partie de la fondation de la Méduse à ses tout débuts, donc même avant l'ouverture en 1995. Bonjour, Monsieur Artaud. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on s'entretienne ensemble un peu des moments de fondation de la coopérative pour qu'on fasse une espèce de survol, juste pour mieux comprendre pourquoi cette structure-là existe et quelle était la volonté des différents acteurs, qu'ils soient du milieu artistique ou même politique, dans ce projet-là. Et vous, à l'époque, vous étiez un des fondateurs de Obscur, je pense, hein, une association coopérative là, qui a été mise sur pied en 1982. Oui, en effet. Effectivement, donc c'était un collectif d'artistes et un des organismes membres fondateurs de Méduse. Obscur était une coopérative de travailleurs. OK. Et c'était le premier centre d'artistes qui se définissait comme multidisciplinaire. Oui, effectivement, je pense qu'il y avait à la fois des activités de diffusion et de production. Oui, et dans presque toutes les pratiques, c'est-à-dire que ce soit en art visuel, en musique, en théâtre expérimental, en cinéma de recherche, etc., etc. Excellent. Eh bien, tout à l'heure, on recevait Caroline Salin, la directrice générale de Méduse, qui nous rappelait que 1989 avait été une année charnière, hein, une année charnière donc pour le fondement de Méduse. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à l'époque dans les discussions là de Méduse? Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Bien, elle avait seulement mentionné que c'est en 89 qu'on avait commencé à parler de Méduse, de vouloir se regrouper, à vrai dire, pour fonder une coopérative. Je pense notamment à la conférence de presse. Régent Perron, que vous connaissez, a à vrai dire, parlé de l'exposition Mirabile Visu, qui était une exposition là de photographie qui célébrait les 150 ans de la photographie. Il nous avait dit que c'était un moment charnière, je pense, cette exposition. En fait, si on veut remonter un peu plus loin, dans le fond, les organismes artistiques de Québec et le milieu communautaire de Québec avaient une caractéristique qui était exceptionnelle, c'est-à-dire qu'ils travaillaient en concertation entre eux très souvent, sous des formes variables. Parfois, c'était deux organismes, d'autres fois c'était 10, d'autres fois c'était 6, peu importe, mais il y avait cette habitude, cette volonté de travailler de façon concertée en coordonnant l'ensemble des activités qu'on faisait. C'était tellement développé que à Québec, à l'époque, on tenait des réunions presque mensuelles. Okay. Pour s'assurer que tout le monde travaille dans le même sens et que peut-être on puisse faire des choses qui étaient complémentaires. Alors, il y avait là un atout majeur, parce que ça n'existe pas dans d'autres régions, ni à Montréal. Mm-hmm. Et Mirabile Visu, ça a été probablement le premier événement mené par le Centre Vue à l'époque, le premier événement qui a permis à tout ce monde-là de travailler en même temps sur un même événement. Ça a fait comme la démonstration de notre capacité de travailler de façon solidaire. D'accord. Et puis j'ai le catalogue là, à vrai dire la publication qui en avait émergé. C'est ça, 6 centres d'artistes, 7 musées et centres d'exposition. Donc vraiment une exposition qui, comme vous l'avez souligné, qui rassemblait. Mais également, on parlait aussi que un des enjeux majeurs aussi à l'époque, tout le monde avait des lieux différents, on n'était pas regroupés et la question du logement. Donc, la précarité, le poids de l'exploitation immobilière était un sujet assez important, difficile. La question aussi des services et des équipements. Donc, tout ça, Méduse aussi, c'était dans l'idée de rassembler ces aspects-là à l'époque. Méduse, c'était effectivement une réponse à la problématique des lieux qu'on occupait. On était presque tous locataires, mm-hmm. ce qui n'est pas indigne, mais ce qui rend la vie un peu plus précaire. Alors, on occupait souvent des lieux ou des bâtiments qui étaient assez délabrés et ça posait des problèmes parce qu'à tout propos, on risquait d'être obligé de déménager ou alors il fallait se plaindre aux proprios pour que le toit soit réparé ou la plomberie. Alors, évidemment, il y avait des enjeux qui étaient des enjeux d'habitation ou ou de localisation de chacun de nos organismes. L'autre problème que vous avez souligné vous-même, c'est que on était à une période où les équipements techniques devenaient de plus en plus présents dans les arts. Et donc, il fallait trouver le moyen d'acquérir ces équipements-là, d'aménager des studios, d'avoir des compétences techniques, du personnel qui pouvait à la fois les gérer, les entretenir, les renouveler. Et là, ça devenait un enjeu assez assez important parce que on aurait pu tous y aller séparément. Disons, la bande vidéo aurait pu faire ses propres demandes, obscures de son côté, le centre-vue, etc. Et évidemment, si on y allait chacun de notre côté, ben la facture grossissait. Alors donc, je pense qu'on a bien compris, puis on a bien cerné le fait que le moment était venu de faire en sorte que tout ce qui s'appelait accès aux équipements pour les artistes, et puis ça comprenait pas juste des équipements technologiques, pensez à l'œil de poisson avec l'atelier de menuiserie. Oui. Alors, tout ce qui pouvait s'appeler accès à des ressources techniques et à des équipements pour les artistes, ben, il valait mieux peut-être le faire de façon concertée. Ça a été un des arguments importants pour que Méduse prenne naissance, parce que si ces équipements et ces ressources matérielles étaient accessibles de façon conjuguée, disons, il suffit de changer d'un étage, puis on se retrouve en vidéo, puis on change d'un autre étage, puis on se retrouve en informatique. Eh ben, pourquoi pas, parce que pour les artistes, tout ça est plus proche, plus facile d'accès, et donc c'est à l'avantage de tout le monde. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles Méduse a fini par se concrétiser, hein. Oui, justement, est-ce que vous vous souvenez un peu? Parce que quand on s'intéresse au sujet, on voit aussi que c'est un projet qui a particulièrement accroché les autorités. Là, je pense notamment à Jean-Paul Lallier, qui était le maire à l'époque. Donc, Méduse, qui était en quelque sorte aussi un symbole de relance du quartier Saint-Roch à l'époque. C'est vrai, mais vous parlez quand vous dites, quand vous dites Jean-Paul Lallier était le maire à l'époque. Il faut se rappeler de son parti, c'est-à-dire que Jean-Paul Lallier est un maire d'exception, là, je pense que tout le monde maintenant le reconnaît, mais il reposait sur un parti qui était un parti populaire avec des structures de consultation dans tous les quartiers, et un des moments de consultation qui a été important, c'est la consultation qui portait sur la revitalisation du quartier Saint-Roch. Oui. Et dans le fond, Méduse, ça a été un des projets qui a été présenté dans une période de consultation du parti de Jean-Paul Lallier. On avait déposé à cette époque-là à la fois les plans architecturaux de Méduse, mais aussi la volonté d'abolir ou de faire tomber le mail Saint-Roch, la structure de béton qui couvrait la rue Saint-Joseph, oui, oui. En disant ça c'est une frontière et il faut l'abolir, on peut pas continuer comme ça. Et on s'était beaucoup appuyé sur le fait que la pointe de la Côte d'Abraham, sur laquelle Méduse se trouve aujourd'hui, faisait partie des budgets d'immobilisation patrimoniale parce que c'était une zone qui était dans la zone définie par l'UNESCO pour le patrimoine mondial. Alors, comme il y avait des budgets disponibles dès le début, ça simplifiait un peu les choses. Mais il faut vraiment dire que l'équipe politique de Jean-Paul Lallier et Lallier lui-même ont tout de suite compris à la fois l'intérêt en termes de d'art et de culture, mais aussi l'intérêt, disons, de la revitalisation municipale du quartier Basse-Ville. Ce que Méduse a contribué à faire. Mais rappelons-nous quand même qu'il y a un élément sur lequel l'Allier n'a pas respecté ses engagements, et c'est la survie de l'îlot Fleury. Dans les discussions qu'on avait avec l'équipe municipale à cette époque-là, on voulait absolument préserver un espace qui était celui de l'îlot Fleury, sans nécessairement préserver tout l'ancien espace inhabité et plutôt en mauvais état là, que l'îlot Fleury utilisait ou occupait. Oui. Mais on voulait préserver une bande de territoire assez importante devant Méduse ou derrière. On ne sait pas où est l'avant puis l'arrière, d'ailleurs. C'est une des choses intéressantes de cette espèce de coop un peu folle. Oui, mais on voulait vraiment que l'îlot Fleury survive et reste active. Et ça, là-dessus... disons que le parti n'a pas respecté son engagement. Eh bien, il nous reste seulement une petite minute, et puis j'étais juste curieuse, là, parce que justement, on a abordé la question de la localisation de ce bâtiment-là. Bon, vous avez évoqué la question de du patrimoine bâti, de l'UNESCO, mais également, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très très symbolique aussi dans cette entre la haute ville et la basse ville, ce lien que Méduse aussi est entre les deux pans de la ville de Québec, en quelque sorte. C'est un lien qui, je dirais que c'est un lien qui est prometteur, qui n'a pas encore rempli son potentiel. En fait, le public, n'importe qui, n'importe quel quidam devrait pouvoir traverser ce bâtiment-là parce que ça y appartient, hein. C'est un bâtiment public avec de l'argent public. Il devrait pouvoir franchir les portes, passer d'une rue à l'autre, aller en haute ville, descendre en basse ville et avoir plaisir à fréquenter ce bâtiment-là. Pour le moment, le bâtiment est beaucoup trop fermé sur lui-même. Mm-hmm. Et il rate un des objectifs qu'on poursuivait quand on l'a créé. Il en rate un deuxième, d'ailleurs. Le Méduse, c'est un regroupement de collectifs artistiques et culturels, mais c'est aussi un regroupement d'organismes communautaires. Et sur le plan communautaire, Méduse s'est affaibli avec la disparition de Radio Basse 8. Oui, bien, des défis qui restent encore à remplir et qui, souhaitons-le, le pourront répondre justement à ces objectifs de base. Gilles Artaud, je vous remercie beaucoup d'avoir pris part à cette émission et puis au plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci. Merci, au revoir. Alors, nous, on poursuit en pause audio, toujours avec l'artiste de Fucked Up Beats, et on a cette fois-ci Minor Detournements, Mapping Their Roots to Radio Tower on Desert Hills, Dancing Along the Cactus Fence. Nous sommes de retour et on entame le dernier pan de l'émission, et on reçoit ici en studio donc des artistes, parce que je me disais que ça serait intéressant de discuter avec des artistes qui côtoient à la fois depuis déjà un bon moment, en tout cas certainement pour Renaud Salvaille ici, qui est un habitué de la Méduse depuis fort longtemps. Est-ce que vous avez une idée depuis combien de temps que vous cheminez dans la Méduse? Moi j'ai adhéré à Vue en 1987. Mm-hmm. Et à partir de là, on avait déjà commencé à parler du regroupement des centres en un seul endroit. On faisait déjà des projets ensemble à partir de ce moment-là. Et disons que l'intérêt est venu, mm-hmm, disons, à fréquenter les groupes d'artistes, surtout avec l'œil de poisson et Vue au départ. Et après, bon, avec les autres centres qui se sont greffés là à ces deux organismes. Donc, ça fait, si on compte bien, là, plusieurs années. Oui, effectivement. Donc, depuis les tout débuts, finalement, oui, là, oui. Et même avant. Donc, ça, puis peut-être rappeler que l'œil de poisson, au départ, était aussi un centre qui était dédié à la photographie aussi. Oui, oui. Un peu comme les vues aujourd'hui. Et puis, sinon, aussi, on a Alexandre Berthier, qui est une sorte de transfuge, qui a migré ici en 2009, je pense, oui, avec une résidence à l'œil de poisson. Je pense que c'est ce qui t'a amené ici. Exact. Bah, moi, j'aime bien dire que Méduse, c'est ma première maison à Québec, en fait. Parce que j'y ai quand même logé au tout début pendant 3 mois. OK. Et Méduse, c'est vaste. Et quand t'as les clés de Méduse, bah, c'est comme un grand terrain de jeu, quoi. Et puis, c'est ça, moi, c'est t'entendu rester. Je travaillais avec mon pote, on était en duo, donc on s'est bien marré quand même pendant 3 mois dans Méduse. Et puis, on a fait tellement de contacts avec la plupart des centres que j'ai quasiment travaillé avec tous les centres de Méduse, en fait. Et puis, je continue à y travailler. Je suis sur le CA d'un centre de vue, je suis un membre actif d'autres centres. Enfin bref, c'est vrai que j'ai ma place dans Méduse et j'aime bien aller travailler là-bas. C'est comme mon bureau, en fait. Ouais. Quand on est travailleur autonome, c'est mon bureau. Ben, c'est plaisant parce qu'on y fait de belles rencontres, mais aussi c'est un univers assez stimulant, j'imagine, pour un artiste là-bas. Là. Ben, et puis, surtout en venant de France, je t'avoue que j'avais jamais vu d'équivalent à Méduse en France et en Europe. Je sais qu'il y a des choses qui s'en rapprochent, mais c'était assez incroyable de découvrir Méduse et son fonctionnement, etc. Et c'est pour ça que je me suis dit, ah, c'est sûr qu'il faut... Il faut faire des choses et puis tout le monde est tellement ouvert que moi je proposais des projets et puis on m'a jamais mis des bâtons dans les roues, quoi, donc c'est quand même assez plaisant. Effectivement. Et puis peut-être non savoir quelle est l'importance pour vous d'une structure comme Méduse, quel impact ça peut avoir dans une pratique artistique? Ben, faut dire que avec Méduse, quand on fait de l'installation, par exemple, qu'on a besoin de la vidéo, du son, il faut faire une infrastructure, par exemple, pour faire une présentation dans un musée ou dans une galerie ou dans un autre centre. Ben, en fait, on a tout sur le même à la même place. On a tous les outils pour arriver à ça. On a tous les outils et on est surtout très bien équipés. Et on est surtout très bien conseillé aussi par les gens qui travaillent, les techniciens qui travaillent dans les centres. Si on a du son à faire, on va chez Avatar. Si on a de la vidéo à travailler, à la bande vidéo, l'œil de poisson pour toutes les infrastructures. Bois-métal. C'est ça, bois-métal, à vue pour la photographie, etc. Donc, on peut simplement, comme disait Alexandre, proposer des projets multiplateformes et puis on le réalise en entier à Méduse. C'est ce qui est fantastique. Et chaque centre, depuis 20 ans, a pris beaucoup d'expertise. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont pas de Québec et qui viennent travailler à Méduse à cause de cette même expertise et des outils qui sont très très au point, en fait, très à la fine pointe, en fait. Exact. Il y a un rayonnement à l'extérieur de la ville de Québec. Donc tout à fait, tout à fait. Il y a plein d'artistes de Montréal et d'ailleurs dans la province qui viennent faire leur photographie à vue, par exemple, ou qui viennent faire des projets à l'œil de poisson parce qu'il n'y a pas l'équivalent ailleurs. Donc, on a été à la fois des précurseurs il y a 20 ans, et puis on continue, à force de bien s'entendre ou de bien négocier, et parce qu'il y a un CA de Méduse qui est efficace et les centres s'entendent, ils négocient ensemble et puis ça fonctionne. Donc, et on voit pas ailleurs d'équivalent. Moi, j'en connais pas. Oui, il y a des structures, je pense, qui s'en inspirent, mais qui restent, somme toute, différentes aussi. Exactement, oui. C'est ça, je pense, comme tu le disais tout à l'heure, en France, il n'y a pas cette approche-là, ou du moins pas similaire là, dans l'esprit de Méduse. Je pense qu'il y en a, il y a des formes nouvelles qui s'en rapprochent, et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Oui. Mais moi, quand j'ai découvert Méduse, je ne connaissais pas. Après, je ne connais pas tout. Donc, je peux ne pas avoir... Je pense qu'en Europe, il doit y avoir des choses très, très similaires à Méduse. Mais c'est sûr que quand tu arrives de Paris, dans une ville où, effectivement, chacun protège un petit peu ses acquis, chacun a son... OK, non, moi, chacun a ses... Comment dire ? Ah, ça, c'est mon truc. Hein, je ne donne pas mes plans, etc. Oui, oui. Ben là, au contraire, c'est tout l'inverse. Tu arrives et puis les artistes s'entraident. Et puis, ah, tiens, va là, va demander un tel, OK. Et puis, il y a un partage. Il y a quelque chose de très, très fort. Et puis, moi, je me suis dit, OK, j'ai pris le truc tel quel, et puis moi, j'ai pas eu de problème à aller voir les centres, à aller voir les gens. Et puis, je proposais des projets en dehors des appels de projets. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à faire ça parce que, Je veux dire, tous les centres sont très contents d'avoir des artistes qui arrivent et qui disent, ah, j'ai tel projet, je suis hyper motivé, allons-y, quoi. Donc, et puis moi, ça a marché parce que, voilà, t'arrives avec un projet et puis t'es motivé. Il y a tout ce qu'il faut pour ça, quoi. Donc, allez-y, quoi, les jeunes artistes, allez-y. Oui. Et puis là, on a beaucoup parlé du volet plus technique, de la production, des outils qu'on nous donne, mais j'étais curieuse de savoir, est-ce que le volet diffusion, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des expositions aussi qui sont présentées là, est-ce que ça peut avoir un impact pour un artiste d'aller voir ces expositions-là et d'avoir un impact dans sa pratique? Hein? Bien sûr. En fait, Méduse est vraiment comme une pépinière. Hein? Mm-hmm. Il y a les jeunes artistes qui ont leur chance d'exposer, et il y a aussi les artistes plus confirmés qui n'hésitent pas à exposer à Méduse parce que c'est un centre qui est reconnu partout. Hein? Mm-hmm. Donc, et ce qui est très très intéressant, c'est que il y a beaucoup d'échanges. Oui. D'échanges, en fait, de projets de Méduse vers l'extérieur, vers l'Europe, vers le reste du Canada. Et on reçoit aussi des artistes de partout, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Europe. Donc, il y a vraiment là une effervescence qui est réelle. Oui. Et je pense, ben, Alexandre est venu dans ce contexte-là. Mm-hmm. Et il y a les résidences, hein, qu'il faut pas oublier. Il y a des résidences qui sont la plupart du temps occupées. Donc, il y a toujours ces échanges qui sont très profitables pour les artistes de Québec aussi, à force de rencontrer des gens de l'extérieur. Exact. Et puis, ben, il nous reste très peu de temps, mais j'aurais aimé vous demander à chacun s'il y a un moment marquant pour vous, que vous avez soit vécu ou vu à la Méduse, quelque chose de fort pour vous. Ben, pour moi, ça a été l'ouverture. L'ouverture, oui. L'ouverture, j'étais président de Vue à l'époque. Et avec ces nouveaux équipements, ça a complètement changé la pratique à Québec parce que on avait des équipements pour faire des tirages de très très grand format. Donc le Québec en entier s'est rabattu sur les labs et ça a changé beaucoup la pratique au Québec, je dirais. OK. Et Alexandre? J'étais en train d'y réfléchir. Peut-être mon premier mois multi, quand je suis j'ai participé à un mois multi, ça c'était assez chouette parce que c'était quand même un beau festival. Et puis encore une fois, ça c'était un projet avec lequel je suis arrivé clé en main sur la table, que j'ai proposé et sans penser que j'allais au mois multi, et puis c'est ça qui s'est passé. Donc c'était quand même un beau moment en 2011, c'était super. Super. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre expérience de la Méduse avec nous. Et également, Renaud, je sais qu'il y a une exposition chez Vue qu'on va tous aller voir. Oui, ça commence vendredi. Le vernissage est vendredi à 18h30. Parfait. Donc, on y sera certainement. Et Alexandre, quelque chose pour toi de ton côté? Je garde ça pour moi. C'est bon, on va garder ça mystérieux pour le moment. Alors, merci beaucoup et nous, on retourne en pause audio et on revient pour la conclusion. C'est déjà la fin pour l'aérospatiale. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous pour la première de cette émission. Je désire remercier mes invités, bien sûr, Caroline Salin, Gilles Artaud, également Renaud Salvaille et Alexandre Berthier. Je remercie Jacques Gignac à la mise en onde, également Jean-Tiane Lafrance, ma comparse de tous les temps. Et également, simplement vous rappeler, donc, vernissage à la Galerie des arts visuels ce jeudi à compter de 17h. Exposition aussi au lieu à voir. Valentin Torrance, un artiste espagnol, également Julien Lebargie à l'espace parenthèse. Je vous laisse entre les mains de Pierre Billet et sa nouvelle émission Situation critique. Une belle soirée à tous et à la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. J'aurais voulu être celle à qui le cœur plein d'eau, tu dis je t'aime trop. Allô, Québec! Yo! C'est la bronze. J'aimerais beaucoup vous inviter toutes et tous à mon show le 12 septembre au Palais Montcalm. Ça va être fou dans la tête et dans le cœur. Il va y avoir Anatole en première partie. Les billets sont en vente sur labronze.ca. Amène tout le monde que t'aimes, puis tout le monde que t'aimerais aimer. Puis votre cop et cop, on y a. J'ai vraiment hâte de vous voir. Bisous! Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... J'écrirai Cavana jusqu'à l'ultime seconde, Mélodie, Mes rues, Promenons-nous dans les bois, Une heure de tranquillité. Et à ne pas manquer au musée de la civilisation... J'écrirai Cavana jusqu'à l'ultime seconde, Mélodie, Une heure de tranquillité. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. 89.1. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's so good now. CKRL. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Cultive tes goûts. And I'll fly on the wings of a butterfly. High as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shit. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la musique éclectique. Les Échangeurs d'air, les mercredis 20h30 avec Michel Marcoux et Jean-Philippe Boisbriand. Millennium, les mardis 19h30 avec Gilles Chomel. Et Terrain vague, les mercredis 22h avec Benoît Arcan. Millennium pour millénaire et non pour Lisbeth Salander.